Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui pour son parfum ou pour la radio fait toujours la joie de son diffuseur, Ariel Dombal. Une grosse tête qu'on surnomme Bénure parce qu'elle fait souvent ses courses en chariot, Michel Bernier. Bénure, c'est juif comme de... Une grosse tête dont les chemises sont interdites par la prévention routière et financées par le syndicat des ophtalmos, Jean-Jacques Perroni. Une grosse tête qui se nourrit avec des croquis pour chat, Philippe Gueluc. Une grosse tête qui n'a jamais rien volé, à part peut-être de temps en temps piquer un roupillon, Pierre Bénichou. Et enfin, une grosse tête, jeune acteur, 25 ans, qui cartonne au cinéma, à la télévision, au théâtre. Bref, rien que des défauts pour emmerder Pierre Bénichou, Thomas Soliveres. Bonjour. Ben oui, Pierre, faut apporter un peu de jeunesse dans cette émission, ouais, vous savez. T'as qu'à voir, c'est beau. Il a une jeunesse éclatante, parce qu'il a... Ouais. Il a cette espèce d'ambiguïté à cause de cette chevelure renaissance. Ariel, je vous arrête tout de suite, je suis déjà pris. Ah, c'est vrai qu'attention, parce qu'en ce moment, elle rêve de nous la nuit. Ah, c'est vrai. Mais ça, c'est des boules poilues. Ah, il faut rappeler qu'elle a des boules poilues dans les cheveux, Ariel. Et on ne sait pas trop d'où ça vient, ces petites boules poilues dans les cheveux, mais c'est très joli, je dois dire. Écoutez, c'est un cadeau d'un admirateur suisse. Comment ça s'appelle exactement? Un chouchou? Deux chouchous? Une paire de pompons? Je sais comment on pourrait appeler ces petites boules poilues. Ah oui? Les couillettes. Ah oui. C'est joli, les couillettes. Elle a des petites couillettes dans les cheveux. Voilà. On peut dire ça comme c'est ça. C'est mignonnet. Monsieur Bénichou, vous avez l'air de vous ennuyer. Pas là. S'il y a un mec qui se marre, c'est bien moi. Tel que vous me voyez, je me roule par terre. Non, mais sérieusement. Les couillettes, et comment ça se fait? Les personnes, elles sont deux, elles sont poilues, comment ça s'appelle? Les couilles, oh la vache! Non, mais c'est un truc à pas passer en 9e, ça! C'est quoi pas passer en 9e? Cours élémentaire, je sais pas quoi, quand on est en 10e, on vous aide de passer en 9e. Ah, ça s'appelle plus comme ça, Pierre. Comment ça s'appelle? Mais t'es maquillée, toi? Je te regarde tellement peu! Ben oui. Que je sais même pas quand t'es maquillée puis quand t'es pas. Ah bah oui. Eh ben ouais. Non, parce mais que de toute façon, mon étant naturel... donné la taille de ton visage, pour te trouver un maquillage, elle est grande comme ça. Mais tu vois, elle est posée sur ma table. Mais oui, il y a tout là-dedans. Trois paires de couilles blanches. C'est vrai qu'elle a sa trousse de maquillage avec elle. Mais oui, parce que pour me reparfumer, c'est quand même une chose délicieuse. Alors, mais elle est à proximité. Moi aussi, j'ai ma trousse de maquillage avec moi. Tiens. Et c'est quoi, des pilules Non, c'est Sephora. Il y a marqué dessus. Ah oui. C'est un truc de gonzesse. Ah bon. Et là, je mets mes appareils pour entendre. Hein? Ah là, qu'est-ce que vous n'êtes pas content? Il vaut bien. C'est quand vous voulez vous maquiller en entendant. Non, c'est quand il est seul et qu'il s'écoute parler. Mais est-ce que ça s'appelle toujours sonotone? Non, ça c'était quand tu étais jeune fille, à 60 ans, que ça s'appelait comme ça. Non, pas maintenant. Ah bon. Sonotone, vous dites? Oui. Sonotone. Sonotone. Oui, voilà. L'automne, c'est toujours feuilles... l'appellation. Oui, c'est quand les feuilles tombent. Ah, l'automne, oui. Une citation, il est temps de démarrer par une première citation pour Frédéric Sajot, qui habite Bourbourg, dans le Nord. Qui a dit les femmes, c'est comme les chaussures, quand on les quitte, il faut y mettre les formes. Guitry? Sacha Guitry, non. Christian Louboutin? Non plus. Oui. C'est ancien. Ah, c'est pas trop. C'est pas récent. C'est un auteur dramatique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on met plus beaucoup de formes dans ses chaussures. Dans les baskets, on met pas souvent des. Mais il y a des gens encore qui ont. Je suis sûr que Pierre Bénichou, par exemple, chez lui, il a ça, il met ça dans ses chaussures le soir. Les embossoirs. Les embossoirs. Non, mais. Jamais mis d'embossoirs. Non, il dort avec c'est ses chaussures. C'est un truc de pauvre. Moi, je m'en fous. Dès que c'est affaissé, hop, une autre paire. Ben oui, tu verras quand tu auras de l'oseille, pauvre. Et puis, il y a une chose qui ne se fait plus du tout, c'est la bassinoire. Qu'est-ce que c'est que ça, la bassinoire? Ah, oui, réchauffer le lit. Dans le lit, on met une sorte de casserole. Oui. Avec des petits trous. Avec des petits trous. Oui. Et puis, on fait des frites. et de l'autre bouillante. Ouais. Et on asperge l'eau bouillante le lit. Pour le réchauffer. Non, ça c'est pour le désinfecter. Et Pierre sait très bien nous bassiner, faut dire. Non, mais la bassinoire, enfin, on lit ça chez Zola. Ah oui, oui. Mais enfin, c'est un truc. Rien à voir. Alors, c'est Sacha Guitry. Non, on l'a dit déjà. Le gars qui a dit ça, c'est un auteur dramatique. Pas du tout. Les femmes, c'est comme les chaussures, quand on les quitte, il faut y mettre les formes. Est-ce que c'est un chansonnier ? Oh, chansonnier, c'est pas le mot, mais il a pu faire partie un peu de cette catégorie à un temps. C'était un maître de l'humour. Dabadi, non. Pierre Dac. Pierre Dac, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une autre citation pour Fabrice Vandeville, Paris 13e, qui a dit « Louis Aragon, c'est l'œil de Moscou, le con d'Irène, les yeux d'Elsa et les couilles de pas mal de monde. » Pierre Desproges. Pierre Desproges, non. C'est un genre de Pierre Desproges ? Pas du tout. Ah, d'accord. Donc c'est alors un écrivain... c'est Monseigneur Barbarin. Non. Louis Aragon, l'œil de Moscou, le con d'Irène, les yeux d'Elsa et les couilles de pas mal de monde. Est-ce que c'est un auteur encore dramatique ? C'est quelqu'un qu'on cite assez rarement aux grosses têtes, même si on l'a déjà cité. Je crois même qu'il a dû participer un petit peu aux grosses têtes, parce que c'était quelqu'un que Philippe Bouvard aimait bien, même si c'était compliqué pour lui de venir à RTL. Jean d'Ormesson ? Jean d'Ormesson, non. José Arthur. Et c'est José Arthur. Bonne réponse ! Jean-Jacques ! De Jean-Jacques Perroni. Une question pour Alexandre Mounier qui habite Nantes. On a beaucoup reparlé des ducs d'Albe ces derniers jours. Pour quelle raison ? Est-ce que les ducs d'Albe ne sont pas ces grandes, non pas bites d'amarrage, mais ces grandes constructions en bois auxquelles on accroche des bateaux dans les ports ? Excellente réponse de Philippe Gueluc. Alors là, monsieur Gueluc, franchement. En effet, les ducs d'Albe, c'est les bâtons, les poteaux sur lesquels on peut attacher un bateau plutôt que de l'attacher à un quai. Car effectivement, en cas d'inondation comme ces derniers temps, les péniches peuvent très vite se retrouver sur le quai, évidemment. Tandis que si elles sont attachées à un poteau, à un duc d'Albe qui se trouve à quelques mètres du quai, elles ne se retrouveront pas sur le quai. Vous comprenez ? Et ils sont ces ducs d'Albe, dans le vocabulaire maritime, ancrés dans le fond des bassins. Et c'est vrai que les péniches... Il y a souvent des bites dans le fond des bassins. Non, mais écoutez, le terme vient d'un vrai duc. Mais le duc d'Albe qui servit Philippe II d'Espagne et qui fut gouverneur des Pays-Bas flamands. Ferdinand Alvaré de Tolède, troisième duc d'Albe. Ça a été un sale con qui a fait régner la terreur en Belgique. Ben, en tout cas, il faisait amarrer ses bateaux à des pieux lors de son séjour au Portugal et c'est ainsi qu'est né le nom du poteau duc d'Albe. Je n'en reviens pas que vous sachiez cela, moi non plus, Gueluc. Si vous saviez tout ce que je sais. On appelle ça aussi des palines à Venise. Ah ben ça, on l'aurait su. Vous voyez, les fameuses palines. Ou des bricolas aussi. Vous pouvez attacher votre bateau au duc d'Albe. Et en tout cas, les pauvres bateaux mouches, parce que je sais qu'ils sont reçus à l'Élysée ce matin. Ah, il reçoit les bateaux, lui, maintenant. Seulement les bateaux mouches parce que ça sent la ça merde. Sent... Vous me l'avez enlevé de la bouche. Bon, la confrérie des bateaux mouches. Oui, alors quoi ? Bah, ils ont perdu beaucoup d'argent, justement, parce que la fameuse bite d'Albe... Non, ça n'a rien à voir. C'est le duc Alors, il ne faut pas tout mélanger, Ariel. Non. Ce soir, dans votre... Parce que tous les soirs, Ariel participe à une soirée mondaine, hein, il faut le savoir. Oui. Et donc, ce soir, franchement, je ne vous conseille pas, si jamais on vous présente monsieur le duc, ne lui dites pas « montrez-moi votre bite », par exemple. Ouais. Je voudrais y amarrer mon bateau mouche. Ça ne marchera pas. Mais vous pensez que le soir, Ariel ressort les notes parce qu'elle prend pendant toute l'émission, des notes. Ah, évidemment. Mais elle a déjà noté tout un paquet. Regardez ça, elle repose toutes les questions aux gens. Qu'est-ce que vous avez noté là ? L'émission a à peine commencé, Ariel. Eh bien, que les femmes, c'est comme les chaussures, il faut mettre les formes et que c'est Pierre Dac qui a donc trouvé cette... cette saillie, très bien. Comme ça, ça s'appelle. Hein. Oui. Après Louis Aragon, donc l'œil de Moscou, le con d'Elsa, les couilles de beaucoup de monde. C'est le con, les yeux d'Elsa et le con d'Irène. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, bon, et enfin, Ariel. Et la bite du duc. La bite du duc d'Albe. Mais vous imaginez le soir, Ariel refaisant les grosses têtes dans le rôle de Laurent Ruquier et chantant le générique. Devant la haute société qu'elle fréquente, elle repose les questions comme vous le faites. Allez savoir, peut-être qu'elle vise ma place. Elle est arrivée très modestement ici. Il y a quoi, il y a un mois et demi, deux mois, je ne sais plus exactement. Je n'ai pas vu le temps passer, je dois dire. Et en quelques semaines, mais elle s'est imposée un peu comme la patronne de l'émission. Alors, mais c'était Cosette toujours. Quand elle est arrivée. Maintenant, c'est Simone de Beauvoir. Elle disait, moi, pas parler français, très bien. Elle m'a tenu. Avez-vous vu le chapeau de Toto? C'est extraordinaire. Avez-vous vu le chapeau de Toto? Qu'est-ce que c'est? Avez-vous vu le joli chapeau de Toto? C'est un papillon. Un papillon rigolo. Vous connaissez pas ça? C'est un nouveau rap, Thomas Solidaire. C'est Zozo, c'est le chapeau de Zozo, Pierre. De Zozo, bien raison. Et c'est la chanson de Maurice Chevalier. Voilà. Sur le devant, on avait mis une plume de pan. Sur le côté, à l'amour. J'espère que... Tu connais pas ? Oui, c'est beau, cette chanson. Bon, si ça vous emmerde, ça vous emmerde. Écoutez... J'en ai vu des adieux aux musicaux. Mais comme celui-là... Écoutez, si je vous amuse pas... Des adieux. Si je vous amuse pas, cassez-vous, parce que moi, c'est pas la veille que je vais partir. Bah merde. Alors, parce qu'on est vieux, on n'a pas le droit de gagner sa vie, non ? On n'est pas si vieux que ça, qu'on le voit les tronches. Il y a des dames charmantes au premier rang qui sont là. Trois dames qui sont venues pour vous, en plus. Ouais. Elles ont l'air très jeunes. C'est des vieilles déguisées. Vous laissez pas faire, mesdames. D'habitude, vous draguez. Enfin, regardez, il leur envoie des après, baisers. C'est sa manière de draguer. Méfiez-vous. Il déstabilise la gente féminine. Ouais. Et après il va la consoler. Il va la consoler. Bien sûr. Au moins, il envoie des baisers. D'habitude, c'est des postillons. Ça laisse les mêmes souvenirs ou pas ? C'est pareil. Il fut une époque quand... Pendant longtemps, on l'a surnommé le duc d'Albe. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. J'ai Monsieur Dieu en ligne. Bonjour. On n'y croyait plus. Ça me fait plaisir. Ça fait 3-4 jours que je n'ai pas parlé. Comment ça va, toi? Et la belle Marie, toujours là? Bonjour, Monsieur Dieu. Bonjour, mes enfants. Je ne savais pas que Dieu avait un prénom. Vous appelez Bruno Dieu. M'étonne pas. Quel joli nom, quand même. Alors. Merci, Laurent. Ah oui, franchement, alors s'appeler Dieu, votre papa et monsieur aime Dieu, alors vos parents... Il y a Dieu le père, c'est ça. Mais vous êtes Dieu de père en fils. Mais c'est incroyable. Oui, tout à fait, Michel. Qu'est-ce que ça fait dans la vie de s'appeler Dieu? J'ai jamais rencontré quelqu'un qui s'appelait Dieu. Alors je vais vous dire franchement, quand on est enfant, c'est un gros handicap, mais alors quand on est adulte, c'est un bonheur. Ah c'est vrai? Et autour de 33 ans, vous l'avez vécu comment? Je suis resté enfermé chez moi pendant 15 jours, Philippe. C'est bien. Qu'est-ce que fait Dieu dans la vie? Oui. Moi, Dieu je trouve pas grand-chose. Hein. Il a bossé 6 jours. Dieu est assistant comptable la semaine. Et vos clients doivent être contents. Hein. En tout cas, ça va leur faire une surprise à l'hôtel Beau-Rivage. Ah oui. Quand on va leur annoncer... Bonjour, c'est Dieu. Qu'il y a Monsieur Dieu qui vient passer de nuit. Alors, il faut dire que l'hôtel Beau-Rivage, c'est à Gérardmer, hein, dans les Hautes-Vosges. C'est bien. Ah oui, un espace spa et beauté vous attend, un hammam, un sauna, un jacuzzi. Vous logerez dans une des 54 chambres qui ont une vue... Oui, mais lui, il peut faire les 50 chambres s'il veut. Une vue magnifique sur le lac et les montagnes vosgiennes. En fait, il va voir tout ce qu'il a fait, Dieu. Le chef Valérian Privat va évidemment vous accueillir dans son magnifique restaurant avec vue sur le soleil couchant. Vous dégusterez une cuisine qui mêle tradition française et inspiration lointaine. D'accord, Monsieur Dieu ? Super, super cadeau. Est-ce qu'il y a une Madame Dieu que vous pourrez emmener avec vous ? Il y a ma mère, Madame Dieu. Ah, mais y a pas, vous n'êtes pas marié, Bruno ? Non, non, Laurent, je suis de la Sarthe. Ah, Dieu l'a pété. C'est une grande nouvelle. C'est pas vrai. Et Laurent, Mais on ne savait que Dieu aimait les hommes. Hein. Oh merde. Donc votre... ça va, Dieu. Dieu, c'est le seul homme à qui on peut pas dire « va niquer ta mère ». Mais donc, quand vous avez dit « aimez-vous les uns les autres » et tout ça, qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Mais Dieu est amour, alors Dieu... Avec Dieu... du poil autour. Et Laurent, une petite précision, je suis de la Sarthe, mais je suis réellement de natif de la Sarthe. Mais oui, je vois bien, oui. Vous faites les deux, en fait. Vous êtes de la Mayenne. Je ne savais pas que Stevie était si près de Dieu. Bruno, voici la question, car il est temps de passer à la question, maintenant. Attention, à votre vie privée ne nous regarde pas, Dieu. Vous faites ce que vous voulez. Et voici la question qui est une citation d'actualité, celle-là. Très facile, vous avez intérêt à profiter des 10 secondes d'avance que je vous donne. Qui a dit « Si je fais des salles remplies de monde et que d'autres font des salles à moitié vides, c'est peut-être aussi qu'il y a une inégalité de talent. » Alors, ce n'est pas Zlatan Ibrahimovic, je vous le dis d'avance. Ça pourrait, hein, ça y ressemble. Ce n'est pas Nicolas Sarkozy. Et c'est Nicolas Sarkozy, c'est gagné. Eh oui. Génial. Et oui, parce que les autres candidats aux primaires reprochent à Nicolas Sarkozy ses meetings en tant que président des Républicains, alors qu'il n'est pas déclaré candidat. Et voilà ce qu'il répond. Il dit, écoutez, si je fais des salles remplies de monde et que d'autres font des salles à moitié vides, c'est peut-être aussi qu'il y a une inégalité de talent, dit-il. D'accord. Voilà. Très bien. Il y a Zlatan Ibrahimovic, Nicolas Sarkozy et Dieu. Et pourtant, Dieu nous a fait tous égaux, n'est-ce pas, Dieu ? Mais tout à fait, Ariel. Et Ariel, est-ce que Ariel pourrait me redonner un petit air ? Oh, il fait chier. Oh oui, par exemple. Par exemple, plus près de toi, mon Dieu. Ah bah oui, alors plus près de toi, mon Dieu, ça, alors oui. Ave Maria. Dites Mario. Gracia plena. Maria. Merci. Merci. Jésus, Jésus, voilà. Jésus, regarde. C'est l'aumône. Vous savez que... Merci. Que si... Attendez, continuez, je vais passer dans la salle. Sancta Maria. Sancta. Les gens disent, c'est pas terrible. Parce que Dieu, il n'aurait même pas de quoi se payer le voyage. C'est l'heure de la quête ou quoi? Voilà. Alors, monsieur Bénichou, j'ai juste un tout petit mot pour vous, monsieur Bénichou, je vous adore. Mais alors, vendredi, vous avez dit de Céline qu'elle était mannequin chez Fais-moi peur. Ouais. Moi, si je la rencontrais, monsieur Bénichou, je lui ferais pas payer la chambre. Je vous adore tous. Alors, là, elle est pas bien, Céline Dion, dis-moi la vérité. Sérieusement. Si tu respectes vraiment ta petite, tu peux pas la baiser. On verra ça. Bravo. Oh, belle expression. Bravo, monsieur Bénichou. Dis donc, que d'homme respectueux. On verra ça le 29, puisque je viens vous rendre visite sur le plateau du grand studio RTL. C'est vrai? Oui, tout à fait, Laurent. Et on réglera ça entre hommes, monsieur Bénichou. Pour qu'on vous reconnaisse, vous viendrez avec votre auréole? Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Et Michel, je vous adore. Je vous embrasse très fort. Moi aussi. Je vous adore. Je suis pour une fois que je vais croire en Dieu, ça va. Et bien sûr, les autres grosses têtes que j'aime beaucoup, vous nous faites passer une heure et demie de rire. Constamment, tous les après-midi. Non, c'est gentil, c'est 2 heures. Ouais. Dites-nous quelle est la demi-heure. Dans la dernière demi-heure, il est comme Pierre, il s'endort. je suis obligé, je suis à confesse pendant une demi-heure. On vous remercie, bravo, monsieur Bruno Dieu. Et bon séjour à l'hôtel Beau Rivage. Une question culturelle pour Madame Hélène Foucault qui habite Rougier. Quel riche paysan échangea sa fortune contre un titre de noblesse avec Monsieur et Madame de Sottenville ? C'est dans un roman ? Ben oui. Un roman, non. Dans la réalité ? Dans la réalité, non plus. Dans un opéra ? Un opéra, non. Quel riche... Dans une peinture ? Non. Dans un film ? Non. Quel riche paysan échangea sa fortune contre un titre de noblesse avec Monsieur et Madame de Sottenville ? Et une fable ? Une fable ? Non. C'est une pièce de théâtre, non plus ? Une pièce de théâtre ? Oui, Monsieur Bénichou. Ah, je vais vous dire ce que c'est. Georges Dandin. Excellente réponse de Pierre Bénichou. C'est la pièce la moins connue de Molière. Exactement, Georges Dandin ou Le mari confondu, une des pièces de Molière peut-être les moins connues, c'est vrai. Mais je sais que votre ami Claude Brasseur l'a joué. C'est pour ça que je l'ai vu cette fois. Mais c'est une très jolie pièce. Et il y a la fameuse formule, quand il dit qu'il est tellement malheureux, que c'est affreux, pourquoi ses beaux-parents le méprisent, pourquoi sa femme le quitte et tout ça. Et il y a une voix qui lui dit « Tu l'as voulu, Georges Dandin ». Ah oui. Voilà, je vous dis ça uniquement si vous avez, si vous avez marre des histoires de couilles et de machin. Vous pouvez rentrer à la maison le front haut. Voilà. Une des dernières phrases de Georges Dandin, le personnage dans la pièce de Molière, c'est « Lorsqu'on a comme moi épousé une méchante femme, le meilleur parti que l'on puisse prendre est de s'aller jeter dans l'eau ». La tête la première. Oh. Ah, c'est affreux, hein. Oh, c'est affreux, et quelle vie. Et quelle est la raison liant cette question à l'actualité? Tout simplement que Georges Dandin se rejoue actuellement à la Comédie-Française, au théâtre du Vieux Colombier, je vous l'annonce. Merci pour cette information. Merci. Gueluc, c'est important parce qu'il y a deux pièces qui se succèdent, Georges Dandin et ensuite La Jalousie du Barbouillé, une pièce un peu moins connue aussi de Molière. Qui... La première. Voilà, exactement. La première, dont c'est la dernière phrase. Le théâtre du XVIIe siècle commence avec La Jalousie du Barbouillé. C'est un peu pour vous, hein, ces questions-là, monsieur Soliveres. Mais oui, mais je ne sais pas ce que je fais depuis tout à l'heure. Georges Dandin. Vous avez joué des classiques quand même déjà, non? Bah oui, non, non, pas tellement, non. Ah, non. C'est vrai, jamais? Non, jamais classique, jamais classique. Bah, on m'a dit que vous jouiez dans le. Dans les Camping 3, non? Non, non, pas du tout. C'est pas grave. C'est un classique. C'est bien tenté, mais non, c'est pas moi. Vous auriez pu trouver Ariel, ça. Hein. Oui, et j'étais en train de penser. Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde un petit personnage, de vous claquemurer aux choses du ménage et de n'entrevoir plein de plaisirs plus touchants qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ces sortes d'affaires à de plus hauts plaisirs, enfin bon, songez à prendre, bon, etc. Mettre et corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Mettre un renard par l'odeur alléchée. Voilà. Oh, combien de marins, combien de capitaines sont partis joyeux pour des courses lointaines et jamais n'ont ramené la monnaie. dit-elle en ouvrant les rideaux. Les voilà. Dites-moi, Laurent Ruquier, n'est-ce pas bientôt l'heure de la publicité? Non, je ne crois pas qu'il... qu'il en fût encore temps. Car de Carrefour Market, nous n'avons pas encore entendu le son. Oh, c'est joli. Mais comment vais-je faire pour attendre encore 5 minutes avant d'avoir la véranda, la véranda, la reine des vérandas. Non mais, c'est incroyable, on a l'impression que les gens passent leur vie à acheter des vérandas. Alors, mais c'est incroyable. Pourquoi? Parce que la véranda, publicité que fait notre excellent confrère. Stéphane, la véranda, fait au moins rimer ça avec Bermuda. Attendez, je ne comprends pas, il y a des pubs sur RTL pour la véranda. Stéphane Absolument. Bern, Stéphane oui. Bern vend c'est... des oui, vérandas oui, oui, à longueur de journée. Comme si c'était la reine qui arrivait, oui, la reine des vérandas. Et puis, ah, la reine est là. La reine, mais quelle reine? La reine des vérandas. et d'un autre côté, il y a Julien Courbet qui vend des fenêtres aussi. On est dans le bâtiment à RTL. C'est ça. On est dans le bâtiment, mais on touche pas beaucoup de briques. Hein. Merci, monsieur Dan. On fera la quête pour toi après, Jean-Jacques. Ça peut être utile, une belle véranda, Pierre Bénichoux, pour l'été. Ben, hein? Bien sûr, pour sûr. Surtout pour l'été. Et voilà, vous habitez à quel étage, vous? Moi, ça dépend. J'ai laissé le troisième aux enfants, j'habite le quatrième maintenant. Ah, vous pourriez peut-être faire construire une belle véranda. Vous voyez. Non, pas besoin, j'ai des jardins d'hiver. Ah oui? Oui, c'est pour les pauvres qui font construire des petits trucs en plus. Alors, c'est un truc tout petit avec un toit en Duralex. Et ils disent, où es-tu? Dans la véranda, chérie, dans la véranda. Mais non, c'est de la connerie, ça. Non, les gens bien n'ont pas de véranda. Ils ont des jardins d'hiver. Ils ont des jardins des ouverts, serres. Des jardins fermés. Ne regardez pas avec ce air ébahi comme ça. Mais oui, vous en verrez de plus en plus des gens comme moi. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça prolifère maintenant. Mais quel genre de gens? Oh, des gens qui ont des jardins d'hiver. Une autre question pour Christine Chandon, qui habite Perrières, dans le Calvados. On le sait, c'est Will Smith qui, entre autres, portera oui. le cercueil de Mohamed Ali lors des obsèques qui auront lieu dans 2 jours, vendredi précisément, à Louisville, dans le Kentucky. Mais qui prononcera l'éloge funèbre ? Bill Clinton. Bill Clinton, oh. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ça a dû se monnayer très cher. Ah, vous croyez ? Mais bien sûr. Bill Clinton, oui, il fait ça gratuitement quand même. Oui, enfin, puis il a dû payer pour le faire. Non, je trouve que ça aurait été mieux que ce soit le président américain. Oui, mais, non, mais non, mais lui, là, il n'a pas besoin de publicité. Mais non. Tandis que Bill Clinton, il est là et comme tout le monde l'aime, vous on dit Bill Clinton fait la chose, donc sa femme, on va l'élire. Non, mais de toute façon, c'est vrai que Obama a rendu un grand hommage à Mohamed Ali. Et... Bah, qu'est-ce que vous qu'il dise ? Ah, bah oui, mais enfin, il a dit quand même les 2 choses essentielles. Mohamed Ali a été quand même quelqu'un qui a rejoint, qui a fait l'éloge de Martin Luther King, qui a beaucoup œuvré pour les droits des Noirs en Amérique. Oui. Et qui a très bien boxé. Moi, ce que je propose, c'est que Pierre Bénichoux soit contacté pour écrire, évidemment. Le discours. Ah, bah oui. Parce que oui. Pierre, on sait que c'est vrai, souvent les politiques vous contactent pour préparer les discours. Non, mais en plus, je suis très sérieux, pour préparer les discours. Absolument. Alors, j'ai une idée pour le début, Pierre. Tu pourrais commencer par « Entre ici, Mohamed Ali. Ton dernier combat, tu l'as perdu. Te voilà KO pour toujours. » Non, je ne peux pas faire ça. Ah bon, pourquoi ? Parce que vous parlez pas anglais. Mais Pierre, c'est vrai, c'est vous qui écrivez les discours secrets de, par exemple, notre président Hollande ? Non, on parle pour le président Hollande, mais le texte de la pub pour la véranda. C'est lui ! Une question pour Véronique Lafranca, qui habite Bouc-Bel-Air, dans les Bouches-du-Rhône. Un centre hospitalier et le stade d'athlétisme portent son nom à Libourne. Libourne, dont il fut maire pendant 20 ans. De qui s'agit-il ? Du fils de Monsieur Mitterrand. Non, pas du tout. Un stade et un centre hospitalier. Le stade d'athlétisme, ainsi que le centre hospitalier, portent son nom à Libourne, ville dont il fut maire pendant 20 ans. Ah oui, c'est le monsieur qui a été assassiné. Oui, exact. Et c'est Kennedy. Non, pas Kennedy. Non, il a été assassiné. Et personne ne sait. Personne ne sait vraiment comment il est mort. Et il y a un rebondissement dans cette affaire. Robert Boulin. Et il s'agit de Boulin. Robert Boulin. Bonne réponse de Pierre Bénichoux et Jean-Jacques Perroni. Le stade Robert Boulin. Et Robert Boulin, effectivement, a été maire de Libourne pendant 20 ans, de 1959 à 1979, année de sa disparition, de son suicide, dirait la thèse officielle, de son assassinat, continuent à dire certains membres de la famille. Vous savez que l'enquête avait été ouverte, et là, alors, il y a des nouveaux témoignages. C'est dans le journal 20 minutes qu'on a ces informations inédites aujourd'hui sur la mort du ministre du Travail de Raymond Barre, retrouvé mort en 1979 dans un étang, alors que Valéry Giscard d'Estaing est président de la République. La justice avait conclu à un suicide parce qu'il avait été mis en cause dans un scandale immobilier. Mais en fait, la fille de M. Boulin continue à penser qu'il s'agit d'un assassinat politique. Il faut dire qu'il s'était noyé dans un étang qui avait à peine suffisamment d'eau pour qu'on s'y noie. Pourquoi, si on met la face comme ça, on peut se noyer. Si tu restes 2 heures comme ça, tu peux te noyer. Et en plus de ça, il avait des ecchymoses au visage, des fractures de la maxillaire, tout ça, qui font penser qu'ils avaient appelé un Mme Ali quelconque. Mais surtout, le nouveau témoignage, c'est quelqu'un qui a été entendu par le juge en décembre dernier, quelqu'un qui n'a pas vu la scène de crime, mais qui en revanche est le dernier à avoir aperçu Robert Boulin en vie ce jour-là. Mais quand ils l'ont vu passer, ils ont dit « Tiens, voilà du Boulin ». Ben, vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'ils étaient en voiture pas loin de l'étang où on l'a retrouvé, évidemment, suicidé. Ils faisaient du camping. Ou assassiné. Non. Il était en voiture. Ce témoin, et il s'est retrouvé face à face avec la Peugeot 305 de M. Boulin dans une rue étroite de Montfort-l'Amaury, à l'intérieur Robert Boulin, dont il a facilement reconnu les cheveux blancs à travers le pare-brise. La coiffure, surtout, bizarre. Et le problème, c'est qu'il y avait deux hommes dans la voiture à côté de Robert Boulin. Ah, oui. Ce qui, évidemment, ne peut pas laisser penser à un suicide cas-là. On l'avait tu vas rarement accompagner à ton suicide. Viens là, Robert, on va faire un petit tour à la campagne. Voilà, c'est ça, comme dans les films. Et si on organisait ton suicide? Et évidemment, ce témoignage remet tout en question. C'est vraiment un nouveau témoignage qu'on n'avait jamais eu jusque-là. Et alors, on ne sait pas pourquoi elle n'a rien dit jusque-là, monsieur. Alors, c'est ce que dit la fille. Elle dit, contrairement à ce qu'on croit, le temps n'efface pas les témoignages. C'est le contraire. Les gens n'osent pas parler au moment des faits. Mais évidemment, quand petit à petit, les principales personnes impliquées ou soupçonnées ont disparu, vous commencez à oser raconter, à oser parler. Oui. Parce que c'était le Parti Socialiste, c'était sous Mitterrand, c'est ça? Non, pas du tout. C'était sous Giscard. Reprenez vos notes, Ariel. Oui, parce que ce soir au dîner, vous n'allez pas le faire sur ma table. Alors c'était sous Giscard. Monsieur Giscard. Je n'y suis pour rien. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire? Vous croyez? Il fait bien Bourville. Non mais c'est bien quand même d'avoir évidemment retrouvé le nom de Robert Boulin. À mon avis, on va évidemment énormément reparler de ces informations inédites sur la mort du ministre, même si c'est une vieille affaire qui date, je le rappelle, de 1979. Autre question pour Daniel Simoès qui habite Chennevières-sur-Marne. Ah, c'est beau, Chennevières. Cette commune, en 2007, a vu son panneau d'entrée du village disparaître trois fois de suite. Voilà pourquoi dès 2008, des nouveaux panneaux en béton ont été situés à l'entrée du village pour qu'on ne vole plus le panneau de la ville. De quelle commune s'agit-il? Ça doit être Montcuq. Non. Non, c'est le gars, là, une espèce de rappeur qui chantait. Camini. Marie-Gaumont. Marie-Gaumont, bonne réponse de Thomas Oliveres. Et oui. Parce qu'il y a un film qui sort là, de son histoire. Là. Exactement, aujourd'hui sort un film qui s'appelle Bienvenue à Marly-Gaumont et c'est l'histoire du rappeur Camini qui avait fait un tube avec cette chanson. Et souvenez-vous, dans le clip, il était devant le panneau de Marly-Gaumont. Si vous aviez travaillé un peu plus à l'école, vous ne sauriez pas qu'il y avait devant le panneau de Marly-Gaumont, mais vous sauriez un peu plus de latin. Vous parlez pour moi, là, c'est ça? Je le prends hyper mal, Pierre. Ils sont là, Marly-Gaumont, ils font oui, Marly-Gaumont. Bah oui, écoutez, Pierre, c'est de l'actualité contemporaine, ça. Tu devrais t'intéresser un peu. Et lui, il est arrivé là-bas, évidemment, en tant que rappeur noir, avec un papa... Noir, en plus. Oui, c'est toute l'histoire. Mais oui. Et son papa médecin, qui était noir, avait personne au départ. Un médecin noir? Oui. Comment tu peux commencer ton discours pour moi, mes amis. Encore heureux qu'il soit pas docteur. Et justement, c'est toute l'histoire. Il paraît que le film est très drôle, tendre, décapant, très réussi. Ça sort aujourd'hui. Bienvenue à Marly-Gaumont, ce médecin provenant du Congo qui débarque en Picardie avec sa famille. Et il faudra du temps, évidemment, avant que les gens du village admettent de pouvoir aller chez ce médecin qui, finalement, va devenir une vedette dans le village. Et c'est parce que son papa est décédé il y a peu de temps dans un accident de voiture que Camini a eu l'idée de faire un film de son histoire. Mais souvenez-vous de la chanson, la chanson. Mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly-Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures. Mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly-Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures. Mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Et à l'école maternelle, j'étais le seul black. Et dans le putain Bienvenue à Marly-Gaumont, le film sort aujourd'hui. C'est bizarre de voler le panneau de la ville quand même. Ah oui, mais c'est pas étonnant. Ah oui. Vous savez, moi, à la campagne, j'habite, je passe par la rue Hergé, le dessinateur de Tintin, pour aller chez moi. Et cette plaque de rue tient en général 3 jours en place. C'est pas vrai. Elle est volée par des collectionneurs. Ensuite, bien la sûr. Commune en ferait imprimer une autre. Pensez qu'un jour, Madame Hergé passera par la rue Gueuluc pour aller chez elle. Non, hélas, car elle ne passe plus nulle part, Madame Hergé. Elle est très grosse. À moins qu'on change. Elle est très grosse. Elle est très grosse. Elle passe plus nulle part. RTL, c'est l'heure de la valise. La valise a été gagnée hier. Oui. Alors, c'est une nouvelle valise avec 1 080 €. Le livre Lionel Cazan, photographe d'Alexandra Cazan, que j'ai ajouté moi-même dans la valise. Mais attention, hier soir, dans RTL Grand Soir, entre 22h et 23h, c'est là où on est un peu vicieux à RTL. Que s'est-il passé ? Entre 22h et 23h, Agnès Bonfillon et Christophe Paco ont ajouté dans la valise un séjour pour 4 personnes au Puy du Fou. Logé par Philippe de Villiers lui-même. Ah. Vous n'en reviendrez pas. Oh là, bah non, ça c'est sûr. Essayez d'en revenir quand même. Une nuit à l'hôtel Les Îles de Clovis. Bref, tout ça est dans la valise. Maintenant, il faut évidemment que quelqu'un ait retenu le contenu de cette valise toute neuve. Je vais demander à Jean-Jacques Perroni, à qui je ne demande jamais un numéro. Tant que vous ne me demandez pas d'argent. Bah, normalement, lui, il s'arrête à 51. Alors, un numéro entre 1 et 20, monsieur Jean-Jacques. 7. Le numéro 7. Hein. Vous ne m'en voulez pas, Ariel, hein, c'est pour changer un peu. Voilà, voilà. Non, mais je sais. Mais j'ai été tellement favorite que j'espère que je ne suis pas en train de dégringoler. Vous serez toujours ma favorite, Ariel. Oui, c'est ce que vous disiez aux autres aussi. Non, mais après, il va être malheureux, il va boire et tout. C'est vrai, je lui demande... Oh, il n'a pas besoin de ça. Je lui demande jamais à Monsieur Perroni. Et je lisais dans ses petits yeux, pleurant. Je pleurais pas, c'est le vin blanc. Je voyais traverser. Mais t'en vois arrêter de rire comme ça. C'est un début de conjonctivité. Car je lis dans les rides de mes grosses têtes. Oui. Et je lisais pourquoi jamais moi. Je voyais son petit cœur battre à Perroni. C'est vrai. Ça. Est-ce que vous avez déjà vu les plis sur mon crâne chaque fois que vous en... Jamais vous me l'avez demandé. Ah, si. Un jour peut-être. Je peux vous lire ce qui est écrit. C'est écrit, l'album est toujours en vente chez Casterman. Alors vous êtes pardonné. Alors un numéro entre 1 et 20, monsieur Perroni. Je vous ai dit 7. Le 7, vous m'avez dit Alain Flamand. On va appeler monsieur Flamand, qui évidemment est sur une patte en ce moment. Voilà, fallait pas la louper celle-là. Cambeau-les-Bains, pour votre gouverneur, cher Jean-Jacques, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. Il s'appelle, c'est quoi son prénom ? Flamand, Alain. Allô, monsieur Alain Flamand ? Oui. Vous savez qui vous parle ? J'ai ma petite idée. Allez-y voir. RTL, mais votre... Gagné, monsieur Flamand. Non, c'est pas gagné, oulala, malheureux. Bah, il a trouvé RTL déjà. Oui, d'accord. Enfin, ça va se gâter, mais jusque-là, vous avez gagné. De toute façon, déjà, il a échappé belle, parce que s'appeler Alain Flamand, c'est mieux que s'appeler Alain Flammable. Oui, alors, vous avez raison, monsieur Flamand, vous êtes bien sur RTL. Alors, vous nous écoutez ou pas, monsieur Flamand ? Oui, je vous écoute depuis pas très longtemps, j'avoue, mais... Ah bon ? Pour la valise, ouf, je suis perdu. Aïe, aïe, aïe, toute neuve en plus, la valise RTL. Je vous ai écouté hier, mais après... C'est dommage, parce que le soir, ils ont rajouté 12 000 euros dans la valise. Vous êtes sur la route, j'ai l'impression, non ? Oui, je suis chauffeur. Bon, en tout cas, vous n'avez pas le contenu de la valise RTL. Non, pas du tout, je ne l'ai pas du tout. Aïe, aïe, aïe, c'est bien dommage. Il y avait 1 080 €, le livre Lionel Cazan, photographe, un séjour pour 4 personnes au Puy du Fou, c'est perdu. Je vais vous envoyer une montre, une jolie montre RTL, et puis peut-être, tiens, le cahier de vacances des grosses têtes qui vous permettra évidemment de penser à nous pendant tout l'été. Ah ben c'est gentil, merci beaucoup. Et bien, ça me fait bizarre parce que je ne pense pas du tout. Je me suis inscrit à Rondin et bon. On va vous remercier, Alain, et puis surtout, oui. Tentez votre chance une nouvelle fois. Vous voyez, ça arrive que la chance vous désigne tout de même. Oui, je retenterai. Et de bonjour à toute l'équipe. Et nous aussi. Je les embrasse pour vous. Salut, oui. Alain. On a le temps d'une autre question ainsi. Avant 17h, une question pour David Kovenberg qui habite Bruxelles. Bonjour, monsieur. Mais laissez-le dire à Philippe, ça. Question géographique. Comment s'appelle le chef-lieu de la province de Ninive en haute Mésopotamie ? Ah, c'est facile, ça. Le chef-lieu de la province de Ninive en haute Mésopotamie. Mossoul. C'est Mossoul. Ouais. Bonne réponse d'Ariel Dombal. J'aurais dû savoir, Jean-Jacques, Mossoul. Eh oui, là j'ai un peu facilité la tâche d'Ariel, oui. Je dois dire. Je ne voulais pas, évidemment, échapper... Ne parlez pas de tâche quand vous parlez d'Ariel. Ce sont deux mots qui ne vont pas ensemble. Je ne voulais pas échapper à une question, évidemment, sur Mossoul, le Kurdistan, l'Irak. Mossoul, c'est une grande ville d'Irak, mais plus précisément, évidemment, de la région du Kurdistan, à laquelle l'époux d'Ariel... Vous êtes mariée, d'ailleurs, Ariel ? Oui, oui, oh oui, le mariage, c'était vraiment... Mais... Oh. Extraordinaire. Et la nuit de noces, racontez-nous. On est friands. Bon, ben oui, je suis mariée depuis 1993. Ah, quand même. Mais vous êtes allée voir le film de votre mari ou pas? Oh, ben bien sûr. Ah, quand même. Non, j'ai évidemment suivi cette épopée. Oui. Et donc, en effet, il est question de Mossoul, qui, comme vous savez, est le fief de Daesh. Et quand Bernard Ariel Henry... vous parle de Daesh, ça, voilà. Oh, oui. Ça veut dire quelque chose. C'était en tout cas Mossoul, une excellente réponse d'Ariel Dombal. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Michel Bernier, Ariel Dombal, Jean-Jacques Perroni, Pierre Bénichoux, Thomas Oliveres et Philippe Gueluc. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Une question pour Monsieur Reynaud qui habite Sigean dans l'Aude. Il vous arrive parfois d'utiliser une esperluette, mais pour faire quoi ? Ah, du c'est... piment ? Non. Non, une esperluette, c'est... C'est un petit signe typographique. Oui, c'est un signe dans grammaire, voilà, c'est un petit signe. C'est... Alors, est-ce que c'est pas le arrobase ? Non, ce n'est pas le arrobase. L'esperluette, c'est... Mais c'est pas loin de là, hein. Ah, c'est oui, pas loin. C'est à côté, c'est... C'est le slash. Non, c'est pas le slash. Non, c'est pas le ah, petit, oui, le c'est petit pas carré. Le 8, là. C'est le « et ». C'est le « et ». C'est le « et ». Bravo, la réponse de Thomas Oliveres, c'est le « et », l'esperluette. Mais quel « et » quand on a... Le « et », ce petit signe qui fait... Comme un 8. Un 8 qui fait avec deux... Par le exemple, Bénichou & Co. Vous connaissez voilà. Cette grande... cette institution. Cette oui. grande institution, Bénichou & Co. Un bon, con, vous voulez dire. Ah, ça, c'est nous. C'est le truc comme oui. ça. Voilà. Le « et » d'imprimerie. C'est le « et » d'imprimerie, voilà. Bénichou & Co. Alors, on ne met pas « and » ou on ne met pas « et ». On met ce petit sigle qui, en fait, est un mélange du « e » et du « t ». Ouais. J'en bois jamais, je peux pas savoir. Hein. c'est le secrétaire de Cicéron, hein, Marcus Tullius Tiro, ouais. qui inventa ce sigle, ce système sténographique. Mais il faut le dire, quand même, la première véritable esperluette condensant les lettres E et les lettres T, hein, c'est le principe, est apparue en l'an 45. Oh, alors, donc, comme le Pernod. Ouais. Mais alors maintenant, l'esperluette, on la trouve parmi les signes sur nos iPhones. Oui, entre oui. autres. Sur beaucoup de claviers, donc, c'est tous les claviers. C'est devenu un signe international. Ah, elle a vécu alors 21 siècles, ah, l'esperluette. Oui, oui. Ah oui, oui, l'esperluette. Et elle vivra encore. Son inventeur, Tiron, secrétaire de Cicéron, ne pensait pas effectivement que cette esperluette traverserait ainsi les siècles. Oui, oui. Je vais vous demander le nom d'un sportif en activité qui vient de passer sous les 10 secondes aux 100 mètres. Il a égalé son record. Un Français. Un Français, évidemment. Et je vous demande son nom. Ah. C'est une question pour David Le Calvé qui habite Arton en Retz. Alors. Il a vraiment envie de faire payer 300 euros à la station. C'est, oh, quand même. C'est le record français de l'année. Ah ben oui, là, c'est un Français. C'est alors. Même le titre ce matin dans toute la presse, ah comme bon une fusée record d'Europe du 100 mètres. Ah ben ça y est, c'est Gilbert Courvit. Non. Speedy Gonzalez. Hier soir à Montreuil, et évidemment ça nous laisse de belles perspectives pour les Jeux Olympiques de Rio. Cet athlète de Montreuil est passé sous les 10 secondes. C'est pas la première fois, il l'avait déjà fait. Marcelin Crampon. Non. Alors attention, ce n'est pas en plus Christophe Lemaître, qui lui avait déjà lui aussi passé, évidemment. Mais c'est 10 secondes pour combien ? 100 mètres. Ah bah oui, si c'est 2 mètres, ça ne compte pas, vous voyez. Je peux vous donner son prénom si ça peut vous aider. Oui. Jimmy. Jimmy Cliff. Pas Tango, Jimmy... Allez, le jeune. Jimmy Tango ? Non. Jimmy Tango, Jimmy Fandango ? Non. Jimmy Valls ? Non. Jimmy moins de 10 secondes ? Non, on a... D'ailleurs, on pourrait le surnommer le roi de... Du tango ? Non. Jimmy Roy, il y a une indication, le roi. Oui, il y a une petite aide. Le roi du tango ? Rex. Jimmy Tango ? Non, c'est aussi le roi. Jimmy King. Jimmy Soleil ? Non. King ? Non. Jimmy Baudouin. Mais non, pas Jimmy Baudouin. Le roi Baudouin. Le roi Lear. Jimmy Merlin. Non. Le roi Lear. Le roi Lion. Le roi Lion. Non. Le roi. Ah, oh, je suis déçu. Le roi Merlin. Le roi Merlin. Hé, hey, Laurent Jessé, Décon. Non. Le roi Décon. Bah, écoutez, on a un grand champion. Le roi. Il se casse le cul à faire moins de 10 secondes. Ah, bah non, il se casse pas le cul parce qu'il aime ça, Laurent. Ouais. Le roi du 100 mètres. Le roi du stade. Faut quand, même le faire de passer sous les 10 secondes au 100 mètres. Ah oui. On a Jimmy Larraine. Non. Oui. On a un type qui va vite, là. Oui. C'est rare, on le tient, il est français, mesdames et messieurs. Jimmy Le Lièvre. Non, oui. Jimmy La Tortue. En plus, il a un nom bien français, pour tout vous Jimmy dire. Jimmy Dupont. Mais ce n'est pas Christophe Jimmy Lemaître. Durand. Ce n'est pas Jimmy Durand. Il a dit, d'ailleurs, je suis vraiment surpris, en franchissant la ligne, je pensais avoir fait 10 secondes. Je suis incapable de raconter ma course, tellement j'ai l'impression d'avoir fait un 100 mètres normal. Jimmy Dagobert. J'ai juste senti que le vent allait m'aider. Il y avait du vent hier. Ça ne nous aide pas du tout, ça. Ça l'a aidé, le vent, évidemment. Jimmy Eol. Non. Il vous reste 30 secondes. Jimmy, la légende. Je suis sûr que dans le public, on a un ou deux sportifs. Tenez, monsieur là-bas, regardez, il lève la main et va. Oui, il lève la main, il lève la main, mais il va, ça fait un moment. Il fallait prendre vos précautions avant. Mais il est comme ça, là, monsieur. C'est peut-être simplement. Non, mais Laurent. Il est comme ça, il a une main comme ça tout le temps, c'est monsieur. C'est peut-être simplement un nazi qui fait de la propagande pour son parti. Vous voyez, monsieur, vous allez venir au micro et vous allez gagner une montre RTL. Quand vous allez donner le nom du sportif et humilier ainsi les grosses têtes, c'est une nouvelle règle. Oh bah attends. Alors attention. Attends, il faut venir en moins de 3 secondes. Oh là là. Dans le micro, monsieur, bien dans le micro. Jimmy Vico. Jimmy Vico. Bravo, monsieur. Bravo, monsieur. Mais ça, c'est de la purée, Vico, ça. Le roi. Alors, Laurent. Le roi. Ça, c'est de la purée, Vico. Expliquez-nous l'indice. Eh bien, Vico, le roi de la pomme de terre. Mousseline aussi, alors. Parce qu'on connaît plus la purée mousseline que la purée Vico. Bon, enfin, voilà, c'est vrai. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Voilà. Moi, je fais un petit volcan pour mettre du jus dedans. C'est... Ça nous change de Ariel Dombasle. Ah, bah. Ah, vous pouvez me la chanter, celle-ci, Ariel. Quand je fais de la pomme de terre. De la purée. Je non, fais... on n'y croit pas, on n'y croit pas. Elle a une robe en mousseline purée. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Adèle est au téléphone. Bonjour Adèle. Oui, bonjour. Adèle, Adèle Guilloano. Je n'écorche pas votre nom de famille. Non, parfait. D'habitude, on le fait, mais vous, vous le dites parfaitement. Ah, ben, je suis comme ça, moi. Dès que c'est français, Paris 13e. Ouais, bien sûr. Adèle Guilloano, que faites-vous dans la vie? Pour l'instant, je m'occupe de ma fille qui a 8 mois. Eh ben, c'est pas mal. Écoutez, oui, ça veut dire que vous avez accouché il y a 8 mois. Ah, bravo, Laurent. Ah, bah. Élémentaire, mon cher Watson. Vous aviez commencé, des études de médecine avant comptabilité ou... Oui. Et alors, et elle fait, l'animateur très con, et elle fait quoi dans la vie, votre fille? Bon, elle ne fait pas grand-chose pour l'instant, mais elle marche à quatre pattes déjà. Ah, quand même. Déjà, non. Sinon, elle est en avance. Elle fait combien sur 100 mètres? Ah ben, moins de 10 secondes. En tout cas, vous nous préparerez très vite des petites purées à votre fille. Comment elle s'appelle? Vous irez chez Vico. Victoria. Le roi de... Victoria. Adèle, vous allez peut-être gagner 3 jours, 3 nuits à l'hôtel Il Rousse Talazur de Bandol. Ah, c'est joli, Bandol. Ah, c'est super. Bah, c'est superbe, cet hôtel. J'adore cet hôtel. C'est un hôtel 5 étoiles qui s'ouvre sur la baie de Rennes Cross de Bandol. C'est un site magnifique. Vous serez accueilli pour une escale détente zen. 3 jours de soins, gommage, sauna, hammam, piscine d'eau de mer, modelage relaxant, soins d'hydrothérapie. C'est quoi le modelage relaxant? Oh, bah, j'ai été modelé, ça m'a fait un bien. Ah oui. Mais ça ne dure pas longtemps. Ça reprend sa forme après. C'est le problème. Un cadre magnifique pour un séjour thalasso. Allez voir sur talazur.fr. Adèle, voici la question, elle est très facile. Qui a gagné 455 000 euros au prud'homme hier? Attention, Lucas. Jérôme Kerviel. Et c'est Jérôme Kerviel, oui, c'est gagné. Ah, je suis trop content. Alors évidemment, le problème, c'est qu'il a gagné 455 000 euros au prud'homme, mais que pour l'instant, il continue à devoir 4,9 millions d'euros. Millions ou milliards, d'ailleurs. Mais ça fait plus que 4 milliards 800. C'est pas mal. Sauf si on le retrouve dans un étang de 3 cm avec des pains. Remarque, 30 ans après, il aura un stade à son nom, ce qui est plutôt sympa. Adèle, en tout cas, vous allez partir à Bandol dans ce magnifique hôtel 5 étoiles. Vous êtes heureuse, Adèle. Ah oui, très contente. Vous avez des chouchous parmi les grosses têtes, juste pour savoir comme ça. Alors déjà vous. Oh, c'est gentil, ça. Et surtout Pierre Bénichou, et à moi et mes deux meilleures amies, on vous adore et elle vous passe le bonjour et elle vous embrasse. Un coup de trois, Pierre. Un coup de trois. D'habitude, je ne fais pas de commentaires sur les endroits où nous envoyons, surtout quand on envoie Gérard Maire ou je ne sais pas quoi, je dis c'est très bien. Mais là, je suis allé dans cet hôtel. C'est un des hôtels les plus beaux de France. Ah. C'est cet hôtel près de Bandol, à Bandol. Ce n'est pas exactement dans le village de Bandol. T'as pas payé c'est ta un chambre, hôtel toi. Absolument merveilleux. Si, ça vaut très cher. Ça vaut 400 balles la chambre. Oui, c'est bien ce que je dis. T'as pas payé. Non, mais je vais payer bientôt. J'ai une liste de tous les hôtels où j'ai pas payé, et ça vient en huitième, là. Bon. Non, c'est un hôtel fantastique. Super. Avec une piscine d'eau de mer. Tu es convaincant, tu devrais faire de la publicité pour les Vérandas. Au revoir, Adèle. Au revoir, bonne journée, merci beaucoup. Une question pour monsieur Hamid Fassi qui habite Caen. Ça va se passer avant vendredi, ça on en est à peu près sûr. Ou ça on ne le sait pas encore et ça existe depuis 1988. De quoi s'agit-il ? Le dépucelage de la petite Fernande. Mais non, depuis 1988, c'est fait. C'est des histoires avec l'euro, le foot. Quand je pense à Fernande, je l'abandonne. Hein, c'est ça des histoires avec l'euro ? Ce n'est pas sportif et ça n'a rien à voir avec l'euro. L'euro, ça commence évidemment vendredi soir avec le match France-Roumanie depuis le Stade de France. Mais avant ça, avant vendredi, il y aura cet événement qui existe depuis 1988, chaque année. Et il y a même parfois, alors je veux dire, beaucoup de monde. Hein. Ça va jusqu'à 15 000 personnes, c'est le record en 2013. C'est la course des garçons de café ? La gourde. La bourse des garçons. Non. C'est une grande méga réunion ? Oui, ça, on peut dire ça. Des motards ? Ah non, c'est pas motards. C'est pas la journée des gars qui font du vélo à poil ? Du tout. Ah, il y a une journée pour ça. Oui. On appelle ça maintenant la journée Denis Baupin. Ça se passe à Paris ? Alors, ça se passe à Paris, généralement, oui. C'est au Trocadéro. Mais d'autres pays, depuis, nous ont imités et ça existe aussi. Ah, ça dit, je sais. On se baigne dans l'eau. Non, pas du tout. Bah oui, C'est pas possible. Alors, je crois avoir vu des trucs, hein. Mais se baigner dans l'eau, alors là... Ah, c'est une originale. Mais c'est son nom. Forcément, parce qu'Ariel, elle se baigne chaque soir, j'imagine, dans du champagne. Dans du champagne. Ou du lait d'anaise. Je ne sais pas. Non, mais pour moi... Le bain, mais enfin bon, c'est quand plus qu'une thérapie, c'est vraiment un des très très grands plaisirs. Bon, enfin bon, je prends beaucoup de bains par jour, c'est même... Ah bon ? Combien ? Vous prenez beaucoup de bains par jour ? Oui, j'en prends au moins 3. Et vous changez l'eau à chaque fois. Mais donc, vous devez jamais nettoyer la petite trace grise qu'il y a autour du truc. Non, mais c'est vrai. Trois bains par jour. Mais oui, et nous, on se fait chier à fermer le robinet deux fois. Oui, mais je crois qu'elle fait tout dans son bain. La vaisselle, elle nettoie par terre. Mais ça sert pour tout, hein, toute la journée. Mais non, justement, qui est douche ici ? À moi, douche. À tout le monde est douche. Oui. Ah mais attendez, ça va nous coûter 300 balles. Oui, c'est vrai. Moi, je suis bain, moi. Moi, à Pâques, besoin, pas besoin, à bain. Oui, Thomas, pour revenir à la question, est-ce que ce serait pas We Love Green ? C'est quoi ça, We Love Green ? Ok, d'accord, c'est pas ça. Non, c'est un festival, non ? C'est pas tout à fait un festival, non, ça dure quelques heures seulement. C'est monsieur François Pasquier qui, en 88, a eu cette idée. Ah, il lance du pain ? Non. C'est fini, et c'est 300 euros pour Hamid Fassi. L'idée, qui date de 1988, vient de monsieur François Pasquier, un chef d'entreprise qui, à l'époque, a décidé d'organiser chaque année le dîner en blanc. Un dîner en blanc qui réunit 10 à 15 000 personnes, parfois sous la Tour Eiffel, parfois au Trocadéro, parfois au Château de Versailles, parfois Place Vendôme. Ce n'est pas autorisé, d'ailleurs. Ça me fait une peur affreuse. Comment ça, une peur affreuse ? Eh oui, parce qu'on dit, il va y avoir un dîner en blanc. Je dis, mais qui va s'habiller en blanc ? On voit des gens en blanc, t'as l'impression que c'est une manif... Et qui vont attaquer des choses et tout. Ne t'inquiète pas comme ça, Pierre. Ils sont tous habillés en blanc. Oh. Oui. C'est des grands spermatozoïdes qui se promènent. Tu crois qu'ils vont sacrifier des enfants? Une question pour Eric. Ah, remarquez, avant que je pose la question, quand même, je trouve qu'on n'a pas assez enquêté sur cette affaire de bain d'Ariel Dombal. Oh, on a ri, non, franchement, on a ri bêtement. Et quand même, ça m'intéresse de savoir pourquoi 3 bains par jour, chère Ariel. Parce que 3, c'est quand même beaucoup. Parce que c'est une thérapie extraordinaire. Ah. L'eau, nous sommes que de l'eau, quasiment. 78%. Voilà, 78%. Sauf Jean-Jacques. Hier au soir, ma femme Germaine m'a dit, il faut que tu prennes un bain, car ça fait bientôt 6 semaines que tu t'es pour laver les vins. Et puis moi, je lui dis en rigolant, et v'lan. Passe-moi l'éponge, et v'lan. Fais-moi gigli, et v'lan. Passe-moi l'éponge, et v'lan. Gouzi, gouzi. Non, mais c'est trop blanc, c'est trop blanc. Parole de Jacques Martin. Exactement. Pour Fernand Reynaud. Il y avait aussi « À ce qu'on est bien quand on est dans son bain, on fait des grosses bulles, on fait des sous-marins. À ce qu'on est bien quand on est dans son bain. » C'est Henri Salvador, ça. C'est joli comme tout. Je viendrai vous chanter pendant que vous êtes dans votre bain. Non, monsieur. On reste tous les deux quand elle est dans son bain. On veut personne. Et alors, il y a de la mousse, Il y a tout. Il y a de la mousse. Je veux de la mousse. Non, pas de mousse, parce que la mousse, c'est la froid. La moustache. Vous... Non, des huiles parfumées, oui. Des huiles essentielles. Ouais. Et surtout, des hommes grenouilles. Du GIGN, bien sûr. Sans oublier le petit canard flottant. Le petit canard à moteur. Non, mais c'est troublant tout de même, cette obsession de trucs. En plus, vous créez un parfum à votre nom. Oui. Quel est votre problème? Non, mais pourquoi? Parce que vous trouvez que ce n'est pas une jolie thérapie, prendre des bains? C'est beaucoup, 3 bains par jour. Ça dépend ce qu'on soigne. Si c'est une odeur un peu musquée, oui. Ça peut, mais c'est pas votre cas. Non. Mais figurez-vous que j'ai même tourné en Ouzbékistan. Hein, dans une baignoire. Elle a souffert en Ouzbékistan. C'est là où elle est forte. Va vérifier. C'est vrai, elle a tourné. J'ai tourné là-bas. En Ouzbékistan et on m'a dit les conditions sont très dures, etc. Et j'ai dit, bon, d'accord, moi je veux bien dormir n'importe où, etc. Mais je veux prendre des bains. Il me faut une baignoire. Eh bien, c'était finalement un film assez fauché, extraordinairement aventureux. Bah, on comprend. Mais j'ai eu ma baignoire qui a fait 800 km de la ville de Tachkent. À là où nous tournions, en plein désert d'Ouzbékistan. Mais les gens se demandent encore, qu'est-ce que c'est que ce truc qui passait sur les chemins de baignoire. Non, mais c'est honteux. Quand on pense que son mari, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, dans les maquis les plus dangereux, avec des gens qui tirent, on bouffe des touffes qu'on trouve par terre et tout, et elle vient... Avec sa baignoire. Lui, il dit, je prendrai 3 coups de mitraillette par jour. Elle dit, je prendrai 3 bains. C'est extraordinaire. S'il la répudie pour une histoire de bain, il est acquitté immédiatement. Mais ce qui est génial avec Ariel, c'est qu'elle ne sait jamais un caprice. C'est-à-dire qu'elle va expliquer très gentiment pourquoi elle a besoin. Donc personne ne lui dit non. Mais c'est vrai. C'est impossible. Mais en plus, je dormais dans une toute petite cellule d'un monastère. Vous étiez ils t'ont amené la baignoire. Ils l'ont prison. Quasiment. Ariel, c'était une petite cellule capitonnée. Non. Mais son costume, elle était toujours les bras derrière. Et les bains, c'était des douches froides. Monastère coranique. J'avais une simple petite loupiote, Il y avait des rats énormes. Vous êtes qui entraient dans la chambre. Mais j'avais ma baignoire. Mais oui. Et voilà. Sans eau. Elle est arrivée. Un jour, vous nous raconterez aussi combien de fois vous buvez du thé chaque jour. entre les baignoires. Vous avez jamais pensé à mettre l'infusette dans le bain pour boire? Moi, je connaissais quelqu'un qui faisait ça, mais pour avoir la peau mate. Ah, ah oui, tu mets du thé dans le bain, tu te baignes dedans, et en fait, ça te matifie la peau, ça te donne un air un petit peu bronzé. Ah, mais c'est peut-être ça, Cassius Clay. Jacques Séguéla. Voilà. En fait, c'est Jacques Séguéla, mais que la tête, lui. Lui, il met de la ricorée dans la baignoire. Et alors, attendez, parce que c'est intéressant. Oui. Vous avez... Enfin, alors... Ça nous intéresse, mais c'est pas vraiment intéressant. Utilisons les mots précis. Ah non, mais Ariel, vous faites mon bonheur. Vous savez quoi? Mais enfin, je suis restée quand même 3 mois en Ouzbékistan. Ah bah non. Et elle avait une pancarte avec écrit « Mort aux pauvres ». Qui a dit « Pour son chien, tout homme est Napoléon ». Michel Drucker ? Napoléon ? Pour son chien, tout homme est Napoléon, c'est ce qui explique la grande popularité des chiens. Oui. C'est un président ? Ce n'est pas un président. Brigitte Bardot ? Non. Homme ? Un homme, oui. Actuel ? Il est toujours là ? Ah non, il n'est plus là, il est mort en 63. Tintin ? Tintin. C'est vrai que Tintin est mort en 63. Elle a mis un peu trop de pastis dans le bain. Kennedy. Il était auteur dramatique. Alors, auteur dramatique, on peut dire ça, effectivement. Oui, auteur, écrivain, en tout cas. Français ? Français, non. Ah. Britannique. Britannique. Georges Bernard Shaw. Bon, non. Laurence Durel. Non. On connaît au moins très, très bien un de ses best-sellers, qui est un chef-d'œuvre. George Orwell. George Orwell, non, mais on n'est pas loin. H.G. Wells. Non. Eugène Sioux. Eugène Sioux, non. Sioux. Non, il était indien. Lui. Jérôme K.G. Ça reste un mystère. Jérôme K.G. Jérôme. Jérôme K.G. Jérôme, non. Charles Dickens. Charles Dickens, non. Ben non, mort en 63. Ben je sais pas, moi je dis des noms. Moi. Attention, il était britannique, mais il est mort aux États-Unis à Los Robert Angeles. Robert Stephenson. Non, il avait 69 ans quand il est mort à Los Angeles, mais il était né effectivement... Truman Capote. Non, non, non, non. Alors... Ah, je sais, Thackeray. Qui vous dites ? Thackeray, le bûcher des vanités. Ah non, non, non. Non. Thackeray. Non, non, non, je ne comprends pas tout ce qu'elle dit. C'est de l'anglais, c'est de l'anglais. C'est l'accent. Il faut qu'elle sorte Thackeray. Du bain pour oui, pouvoir reparler. Oui. Dites-lui de sortir du bain. Out of the bath. Il y a de la mousse qui reste. Out of the bath. Si elle vous répond, blou, c'est que... Turn the robinet. Un jour, je pense que si on veut qu'Ariel reste encore quelques saisons... Faut qu'on mette une baignoire. Ah oui, je pense qu'on va même installer une baignoire aux grosses têtes. Oui, elle s'y a une caméra, oui. Est-ce une que petite... ces bouquins, c'était des policiers ou des romans sociologiques des... Pas policiers, sociologiques, on peut considérer, mais pas tout à fait non plus. Mais c'est vrai qu'il avait une spécialité. Une spécialité. Les œufs en meurette. Est-ce qu'il est con, Péroni? Bon, je vous remercie. Mais il me fait rire. Je suis un peu là pour ça. Merci, monsieur Jean-Jacques. Est-ce qu'il s'appelait Henri? Henri, pas du pourquoi non, Henri. On ne sait jamais. C'était sait une piste. Ah, ça peut être Henry James, oui, ça aurait pu être. Mais non, non, non. Non, mais vous le connaissez tous très, très bien. Je suis quand même... Et donc, l'œuvre qu'on connaît, c'est un best-seller, c'est un roman. Un mondial. Le monde selon... Ah, le tour du monde en 80 jours. Eh oui, Jules Verne, le célèbre britannique. Oui. Mort en 1963. Mais vous dites mondial avec une insistance. Eh oui, vous avez compris. Attention, il reste 30 secondes et grâce à Ariel Dombal et Pierre Benichou, vous êtes tout près de la Ce n'est réponse. Pas Jeremy Rothschild, non. Non. Le premier qui me dit, parce que j'insiste sur mondial, Marcel Moquette. Mais c'est pas très anglais, Marcel Moquette. Ben oui, non, évidemment. Mais là évidemment, il y a une petite lacune littéraire de notre ami Péroni. Mais comment ça se fait, qui ne connaît pas l'auteur du meilleur des mondes, que tout le monde connaît, qu'on a étudié à l'école, évidemment, et c'est... Orwell. Comment ? George Orwell. Non, ce n'est pas George Orwell. Le meilleur des mondes, c'est Aldous Huxley. Aldous Huxley, et non pas George Orwell. Mais pas trouvé. Hein. Aldous Huxley, on l'a étudié à l'école en plus. Oui. Il fallait aller à l'école. Aldous Huxley fait gagner 300 euros à Monsieur Louviot en Belgique. RTL. Devinez qui est l'invité mystère. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Est-ce que vous auriez retrouvé le nom d'Aldous Huxley ? Pas du tout. Voilà, une vraie franchise. T'es allé à la même école que moi. Donc. Attention, prêt à répondre à toutes les questions, votre voix est déformée, c'est parti. Bonjour, êtes-vous une femme ? Est-ce que vous prenez des bains vous-même ? Je suis plus douche. Ah, vous êtes comme moi. Bon, on pourrait y aller ensemble, peut-être. Est-ce que vous êtes marié ? Ouais. Des enfants ? Ouais. Combien d'enfants ? Deux enfants. Est-ce que vous avez un pseudonyme ? Oui. Est-ce que les gens reconnaissent votre visage dans la rue ? Oui. C'est un pseudonyme, c'est juste le nom ou le prénom ? Ouais. Est-ce qu'il vous arrive on connaît de... quand même un peu votre prénom, parfois. C'est... Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il vous arrive de monter sur une scène ? Oui, madame. Est-ce que vous êtes parisien ? Oui, par obligation. Par oui. obligation. Professionnel, évidemment. Ouais. D'accord. Voici un premier indice musical. Évidemment, vous avez reconnu cette musique, Invité Mystère. Ah, oui. Ben, pas nous, hein. C'est très dur. C'est le premier indice, il est toujours plus compliqué que les suivants, évidemment. Mais c'est ça à voir, oui. Vous avez à voir avec le titre de la chanson ou l'interprète ? Indirectement. Oh, je peux vous donner un deuxième indice tout de suite, si vous voulez, parce que je vous vois vraiment dépité, malheureux. Écoutez ça plutôt. Voilà un indice encore un peu difficile, hein, ouais. Monsieur ah, Benichou. Quand même. Est-ce que vous êtes borgne ? Born to be alive, non ? Est-ce que vous êtes né à Born-les-Mimosas ? Est-ce que vous êtes de nature sportive ? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez travaillé avec Monsieur Hernandez ? Avec un autre Monsieur Hernandez ? Non, vous êtes syndicaliste ? Non plus. Est-ce que vous êtes portugais ? Allez, un indice plus facile, celui-là. Les fatales Picard, ça c'est plus facile, vous êtes d'accord, Invité Mystère ? Oui, là, il y a un indice. Là, il y a un indice. Ah oui. Vous êtes Picard vous-même ? Vous êtes Picard. Oui. Est-ce que vous êtes porté sur la boisson ? Ouf ! Alors ? Ah bon ? Ouf ! Mais pourquoi vous demandez ça, Ariel ? Mais Picard ! La légende. Oui. Oui, mais non. Michel Bernier, évidemment, vous a d'ores et déjà identifié grâce à cet indice fatal et Picard en même temps. Mais on parle des surgelés ou de la région ? La région. Vous êtes, est-ce que vous êtes chanteur ? Occasionnellement, mais pour rire. Pour rire, voilà. Vous êtes plutôt comédien ? Seul en scène ? Oui, seul en scène, oui. Voilà. Mais ce n'est pas votre activité principale. Non, allons bon. Thomas Olivérès propose Michael Youn. Êtes-vous Michael Youn ? Pas du tout. Vous avez fait de la télé ? Oui. Beaucoup ? Oui. Ah oui, quand même. Hein. Pas seulement, d'ailleurs. Pas seulement, c'est vrai. Vous faites beaucoup de vidéos sur Internet ? S'il y a un mec que je connais pas, c'est bien lui. vous faites beaucoup de vidéos sur Internet ? Oui. Beaucoup de vidéos sur Internet, ça c'est bien, monsieur Thomas Olivérès. Vous avez fait de la radio aussi ? Et toujours. Et toujours, oui. Et toujours. Philippe Gueluc pense à la fesse. Enfin, ah si, tu y penses tout le temps. Certes, mais là je voulais parler de Jean-Yves. Non, il est breton, Jean-Yves. Ariel Dombal propose Ariel Wiesmann. Non plus. Voici un autre indice. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. C'est le mieux être à la maison, dans sa voiture ou dans la rue. Ça s'appelle autosuggestion. Ça marche dans toutes les positions. C'est penser toujours que je peux et que tout va de mieux en mieux. Et même si tu le penses pas, ton inconscient lui l'entendra. Ça pourrait être François Hollande, mais non, hein, ce n'est pas un indice qui vous met sur la piste du président de la République. Écoutez, je vais me tourner vers Michel Bernier, c'est la seule à vous avoir identifié. Ça arrive, n'en veillez pas aux autres, c'est parce que tout simplement je les ai perdus avec mes indices. Michel, elle, a évidemment été touchée par la Picardie. Et tout de suite. Et notre invité, c'est donc... Sébastien Coé. Sébastien Coé, évidemment. C'est M. Monsieur Coé qui était notre invité mystère. Bonjour. Sébastien Coé. Alors c'est vrai qu'on vous appelle Coé, mais quand même Sébastien, votre prénom est assez répandu tout de même. Oui, oui, oui, comme vous. Oui, c'est possible. On peut comme on veut. Oui, ça y est. Sébastien Coé, la méthode Coé, l'autosuggestion. Oui. C'était le dernier indice que je vous ai donné. Ça va de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux, l'autosuggestion. Tu parles. Oui. C'était un bon indice, ça, quand même. Parles. Picard, il n'y en a pas 10 000 des Picards célèbres. Il y en a quelques-uns. Et Jean-Pierre Pernaut. Et à Jean-Pierre Pernaut, voilà. Ah, mais... ça pourtant, Jean-Jacques. je n'aime pas les Anigra. C'est vrai, tu as raison. Le premier indice, la chanson qu'on a entendue, c'était tout simplement la chanson du dessin animé Garfield. Ah ouais, c'était dur, je fais le doublage de la voix Garfield, donc c'est vrai qu'il fallait avoir vu Garfield plusieurs fois, même moi j'ai eu du mal à retrouver. Oui, mais enfin, Philippe Geluck, le spécialiste du chat, aurait pu évidemment... C'est un concurrent, je ne lorgne pas sur la concurrence, monsieur. Et puis alors, Born to be Alive de Patrick Hernandez, c'est parce que vous aviez parodié cette chanson, ça donnait ça à l'époque. Oui. Pas mal, c'est sobre. Ça, évident. Est-ce que vous êtes sur scène de temps en temps? Coé a répondu oui, et la preuve, c'est qu'il sera justement au Feu de la Rampe le 16 juin prochain avec, c'est déjà le deuxième One Man Show. C'est ça qui est génial, c'est que le premier j'étais parti pour faire 20 dates et avec l'accueil du public et le fait qu'on soit baladé, on a fait plus de 300 dates. Et 4 ans après on s'est dit bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'était le plaisir d'en faire un ou j'en attaque un deuxième? Et comme j'avais encore plein de trucs à dire, bah alors on en fait un deuxième. Coé a grandi, ça s'appelle. Oui. Et souvent on dit Coé a maigri, Coé a grossi. Et là vous avez maigri d'ailleurs plutôt. Merci, ça fait plaisir, j'en ai un qui le dise autour de cette table. Je l'ai remarqué quand vous êtes arrivé. C'est très gentil Laurent, je ne mange plus un morceau de pain depuis 2 mois, j'en peux plus. Il faut changer la fiche, Coé a maigri plutôt qu'a grandi, ce serait très bien. D'autant que vous allez évidemment tourner à travers la France après les Feux de la Rampe et vous reviendrez à Paris à la Cigale en février 2017. Ouais. C'est déjà programmé pour février 2017. Mais c'est dingue, il y a des gens qui programment maintenant un an et demi avant. Il paraît que c'est même pas beaucoup de programmer. Ah, c'est juste. C'est même limite. Et Thomas Oliveres avait raison de vous demander si vous étiez très présent sur Internet, sur YouTube plus précisément, puisque vous êtes le premier animateur à avoir dépassé le milliard de vues sur votre propre chaîne, puisque vous avez votre chaîne YouTube. On va fêter là 1 100 000 000 dans les jours qui viennent, parce qu'on a repris 100 millions en 3 mois. Ça fait peur. Non, dans ce sens-là, c'est bien, mais c'est surtout génial de voir que les gens suivent, se partagent les vidéos, le matin les regardent dans le train, enfin c'est top, je trouve. Et alors vous parlez du terrorisme dans votre spectacle, c'est vrai? Oui, mais c'est aussi pour ça le Coé a grandi, parce qu'en fait, je me sens plus à l'aise aussi sur scène, parce que la première fois, on a tendance à se planquer derrière des écrans, des effets et tout, puis la deuxième, on progresse, on travaille, on se sent meilleur, et je me sentais plus à l'aise. Ça fait partie d'un thème très gay, quand je vais le dire comme ça. Hein, parce que oui, je parle... c'est le terrorisme bon enfant. Je parle du suicide dans le spectacle. Je fais des transitions qui sont des transitions un peu violentes, mais c'est ça qui est drôle dans le spectacle. Je peux parler autant de la masturbation et j'enchaîne derrière sur le suicide. Aucun lien, cherchez pas, il n'y en a pas. Et évidemment, je parle des types qui font les attentats suicides, où j'explique cette info qui est vraie, que les terroristes ont, vous savez, des hotlines maintenant par ordinateur pour quand il y a un problème technique, et je fais une simulation de qu'est-ce qui pourrait arriver si ça ne marche pas. Ah oui, et on appelle ça hotline comme pour un décodeur à la maison. Ah oui, ils appellent évidemment et ils n'obtiennent pas forcément tout de suite quelqu'un. Bah ça non, va de soi. On leur demande de trouver le bon de garantie, le numéro de série, enfin le type peut pas. Et comme ça marche pas, il doit se rasseoir ensuite comme si de rien n'était, commander un plateau repas. Voilà. Ça ne glace pas la salle, ça va? Alors, pour être très honnête, dès qu'on attaque, le suicide, pas vraiment, mais non, les gens aiment bien ça. Oui, la masturbation aussi. De toute façon, je le dis, je suis contre. Et là, mais c'est marrant parce que c'est vrai que dès qu'on dit masturbation, les gens sont gênés. Tout de suite, on sent que. En plus, je fais rallumer la lumière et je demande qui ne l'a jamais fait. Vraiment, là. Non, j'ai peur que dans le noir, les gens vous regardent et fassent. Mais c'est là où on voit. Quand vous rallumez la lumière, est-ce que vous en surprenez sur le fait? C'est ça. Il y en a qui sont tendus. Sinon, là, il dit ça pour nous. Mais... J'imagine que dans la méthode Coé ou ailleurs, à la radio, à la télévision, puisque vous avez fait des tas d'émissions, vous avez déjà reçu Ariel Dombal, cher Coé. Oui, plusieurs fois. Elle était déjà comme ça. C'était toujours un plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, elle était déjà comme ça? Est-ce qu'elle était bien en baignoire? Mais non, parce qu'elle pesait 70 kilos, mais à force de prendre des bains, elle a fondu. Non, mais je me rappelle que dans une de vos émissions... Oui. J'avais dansé de la tectonique. Oui, c'est totalement ringard de dire ça maintenant, mais c'était branché à l'époque de le faire. Ah oui, voilà. Tectonique. Oui, tectonique. Parce qu'elle est. Regardez-moi ce corps incroyable. Elle ne bouge pas. Je vous ai pas vu depuis combien de temps? Non, elle ne bouge pas. Elle bouge pas. D'ailleurs, il y en a qui s'en plaignent. Elle bouge pas. Michel. Bravo quand même. Mais moi non plus, je n'ai pas changé. Et alors, c'est vrai que vous parlez aussi des dons d'organes dans votre nouveau spectacle. Oui, non, mais oui, justement. Je parle de tout dans le spectacle. Enfin, c'est un mélange de plein de trucs parce que j'explique un passage que j'ai fait à l'hôpital pour tous des petits soucis perso et que j'ai fait une fois. Et je parlais de la notoriété. Et alors, faut voir le sketch en entier. À l'hôpital, c'est embêtant, oui. Mais j'expliquais que moi, j'aime pas les passes droits et que voilà, c'est pas parce que je suis connu que. Tu auras le cœur de quelqu'un de mieux que non, quelqu'un voilà. d'autre. Et que c'est pas parce que je suis connu que je vais passer devant tout le monde devant une longue liste d'attente. Sauf à l'hôpital, évidemment, où j'ai dit oui tout de suite et je suis passé devant tout le monde et j'explique que derrière. C'est pas bien ça. Non, c'est très moche, non, mais je le dis aussi. Mais. Et c'est même vrai. Sur la liste d'attente des dons d'organes. Elle n'est pas gonflée, la dombale. Elle fait travailler une baignoire à dos de chameau. 800 km. 800 km pendant 6 mois. Et la baignoire, on a oublié qu'elle était remplie. Oh, il y a 200 porteurs qui sont morts. Écoute, il y a un cimetière en Égypte. Écoute. Les constructeurs des pyramides et les porteurs de baignoires de madame Dombal. Et ce que tu ne dis pas, c'est qu'ils sont morts de soif en portant une baignoire remplie. Coé a grandi, c'est son nouveau spectacle. Allez le voir au Feu de la Rampe le 16 juin et puis de retour à Paris en février 2017. Entre-temps, chez vous, un peu partout en France. Merci Coé. Merci de m'avoir reçu. Bravo. Les amis. Bonne d'être journée. Passé aux grosses têtes. À demain, 16h.